Monsieur ! Monsieur ! Il est parti. Pourtant, il est encore là. Sous son masque blanchi, il est allé à la rencontre d'une grande lumière, là-bas. Il est parti. Pourtant, il est encore là. J'ai vu dans le ciel ce matin un gros nez rouge, accompagné de mouettes rieuses, alors que sur terre il y a des corbeaux qui bougent avec des mines si piteuses. J'ai entendu dans le ciel « Bonjour les petits enfants !» accompagné d'éclairs étonnants, alors que sur terre il y a une colonne de fourmis qui tâtonnent. Sous les grandes toiles tendues, cachées derrière deux, trois peintures, chaque soir, il fallait qu'il rassure dans son costume de toutes les couleurs. Il faisait chanter les heures. Sous les grandes toiles tendues partout où il passait, on avait l'autorisation de rire. Point de ridicule avec ce rire-là. C'était la faute du clown, ouais. Sous son vieux chapeau, il y avait un réservoir qu'il remplissait de la joie des spectateurs, leur redonnant deux sous d'espoir. Il inondait leur cœur comme un docteur. Mais il est tombé, le rideau. Du clown venant de là-haut, pourtant j'entends encore la voix. En mono ou stéréo, je ne sais pas. Achille Zavatta. C'était son nom. Il a réussi à me faire pleurer. Le camp. Sous le plus grand chapiteau du monde, aux initiales pieuses, il y a sur le sable les traces profondes des pattes des mouettes rieuses. Achille a décidé de supprimer un de ses airs pour passer de cher urbain à chérubin. Ainsi va la mort dans l'air comme la nuit qui tombe maintenant, sous un tonnerre d'applaudissements, sous le plus grand chapiteau du monde.